إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 8 dans les méfaits de la démocratie et c'est l'explication la lecture du livre Al-Adilla al-Shar'iyya les كشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et donc on est arrivé au point numéro 9 et dans ce point-là le Cheikh il mentionne certains c'est-à-dire un des méfaits de la démocratie c'est-à-dire عدم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأعداء c'est-à-dire que dans le fait de suivre la méthode électorale puis la démocratie et tout il y a là-dedans un des méfaits c'est que tu ne suis pas l'exemple du prophète صلى الله عليه وسلم dans la façon d'affronter les ennemis hein, d'affronter les ennemis donc الشيخ ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين قادة الكفار ولم يعرف عنه أنه صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يعمل وإياهم انتخابات بل قام بالدعوة إلى التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع حتى قامت الدولة الإسلامية قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال ابن كثير هذه الآيات الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على طريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله Donc le Cheikh il explique, il dit que quand tu suis la méthode électorale et la démocratie, tu ne suis pas l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'affronter les ennemis, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde sa vie et sa da'wah et comment il a appelé les kuffars à l'islam, on voit qu'il vivait parmi les chefs des kuffars, hein, les chefs de Mecca, qui étaient tous des kuffars, et il n'a jamais demandé aux kuffars de se réunir avec eux pour faire des élections, pour dire par exemple à Quraysh, bon, on va réunir toute la population de Mecca, puis on va faire un vote pour savoir qui est-ce qui va être le chef. Et là, le prophète Sorti n'a jamais fait ça. Hein. Au contraire, il s'est tenu ferme sur la vérité et il a appelé les hommes et les femmes au Tawhid et il a purifié la religion des gens de tout ce qu'il y avait de forme de shirk et de bid'ah et il a continué sur cette voie-là jusqu'à ce qu'il établisse un état hein, où tout était basé sur la loi d'Allah et sur l'islam. Donc, il n'y a pas d'histoire de soi-disant établir une démocratie ou des votes ou des trucs de ce genre pour décider qui va être au pouvoir. Et donc le cheikh il mentionne un verset dans Surat Al-Imran, c'est le verset 31 qui dit « Ô messager d'Allah, dit aux gens, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et il mentionne l'explication d'un des grands savants de tafsir, l'imam Ibn Kathir, qui explique ce verset-là et il dit « Ce verset est en fait un juge. » Ce verset-là, il est comme un juge contre toute personne qui prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas sur la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui dit j'aime Allah subhanahu wa ta'ala mais qu'il ne suit pas la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est la preuve qu'il est menteur dans sa prétention et il reste dans ce mensonge-là jusqu'à ce qu'il suive la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené dans tous les aspects de sa vie et de l'adoration. Dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions et dans toutes ses situations et ses états, il doit se baser sur la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si c'est le cas, qu'on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, on doit suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوة مجردة فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه قلت والدعوة والدعوة إلى الانتخابات ليست على الطريقة المحمدية فعلمة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حتى تنال بإذن الله محبة الله. Donc le cheikh il mentionne les paroles d'un autre mufassir, un autre parmi les grands ulama, c'est le cheikh Abdurrahman al-Sa'di qui était le cheikh de cheikh Ibn Uthaymeen et il a écrit un tafsir qui s'appelle Taysir al-Karim al-Rahman. Et dans ce livre-là, dans ce livre de tafsir, il dit à propos de ce verset, que ce verset, que le verset 31 dans Sourate Al-Imran, c'est la balance par laquelle on peut peser ou juger qui aime réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne qui prétend aimer Allah, on peut savoir si c'est réel ou non en regardant comment il est par rapport à ce verset. Ok? Et donc, c'est pour distinguer qui aime réellement Allah de quiconque fait une prétention sans aucune preuve réelle. Et le signe qu'on aime Allah, c'est qu'on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en fait, c'est que si tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce sera la preuve que tu l'aimes réellement. Et c'est un signe que tu auras atteint l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Et donc, il y a dans ça, comme le cheikh il le dit, la preuve que la personne qui appelle aux élections, elle n'est pas en train de suivre la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est le signe que tu vas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'abandonner les élections et la démocratie pour arriver à, par la permission d'Allah, à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un petit point que le cheikh mentionne à ce sujet-là pour nous faire réaliser que, en fait, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé à ses opposants, a montré, il est venu contre ses opposants, c'était pas en faisant des élections ou des votes, et en essayant de gagner l'amour et l'approbation des gens, mais c'est plutôt en appelant les gens au tawhid et en leur disant ce que Allah a dit en leur expliquant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que ceux qui ont cru l'ont suivi, ceux qui n'ont pas cru en lui, ils ont rejeté la vérité, mais que par la suite Allah a donné la victoire aux croyants, aux mu'minines. Tandis que la méthode des démocrates, des gens qui appellent à la démocratie, c'est quoi? C'est de dire à tout le monde ce que chaque groupe veut entendre et ce qui fait plaisir à tout le monde. Et donc d'essayer de pas se mettre contre nous, de faire en sorte que tous les groupes et toutes les personnes soient satisfaits pour attirer le plus grand nombre. Et si par exemple un politicien sait que par exemple une idée ou un principe ou une opinion est partagée par une grande majorité de personnes, il va faire en sorte de ne pas aller contre cette opinion-là, justement, pour faire en sorte que le plus grand nombre de personnes va croire en, ou va voter pour lui. Tandis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé les hommes au tawhid et à la vérité, et quand il leur a dit ce qui est haram, ce qui est halal, il ne fait pas attention, par exemple, à ce que la majorité pense, ou à ce que la minorité pense, ou à ce que les gens pensent en général, ou qu'est-ce qu'ils aiment, ou qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils regardent principalement ce que Allah lui ordonne de dire, ce que Allah lui ordonne de faire, et c'est ça ce qu'il suit sans faire attention aux gens, à ce que les gens veulent entendre directement. Il se base pas sur les passions des hommes, mais sur la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important. Ensuite le cheikh il dit, al-istihza bil-kitab wa sunnah wa ja'alhuma رأيا من الآراء قابلان للأخذ والرد. Le deuxième point que le cheikh mentionne au sujet des méfaits de la démocratie, c'est que c'est comme une sorte de moquerie envers le Coran et la Sunna. Et c'est comme si on faisait du Coran et de la Sunna deux opinions, des opinions parmi d'autres, et que elles sont ouvertes à l'acceptation ou au rejet, dans le sens que c'est une opinion comme une autre qui est exprimée par les livres révélés et par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux l'accepter comme tu peux la rejeter parce que c'est une opinion. Hein. Et c'est une forme en réalité d'agir de cette façon-là, c'est comme si on se moquait de la révélation. C'est comme une sorte de moquerie hein, de la, par rapport à la révélation. Et le cheikh il explique ce point de vue, ce principe-là et ce point de vue-là. الشيخ يقول إن الذي يحصل في المجالس البرلمانية هو عين الخوض والاستهزاء بآيات الله وذلك بأن يجعل الكتاب والسنة رأيا من الآراء قابلان للأخذ والرد اعتمادا على الأغلبية عياذا بالله وقد نهى الله عن مجالسة من هذا حالهم قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الشيخ dit que ce qui se passe dans les assemblées du Parlement, ouais, c'est en réalité le fait de se moquer et de patauger dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et de disputer au sujet de la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est comme si on faisait du Coran et de la Sunna une opinion parmi d'autres opinions qui peuvent être acceptées ou rejetées, hein, en se basant sur, par exemple, la majorité de ce que les gens ont choisi ou voté. Hein, donc, tu présentes aux gens le Coran et la Sunna, et ce qui est écrit dedans, et puis tu fais de ces deux références-là, qui sont des révélations, tu en fais comme si une opinion parmi d'autres, que la majorité va accepter ou rejeter, hein, par rapport à un vote. Et donc, le cheikh il dit, celui qui fait ça, il fait ce que Allah a interdit. Hein, dans un des versets dans Sourate An-Nisa, le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de nous asseoir avec les gens qui sont en train de se moquer des versets qu'il a révélés. Et il mentionne ce verset-là qui dit, et on a révélé sur toi dans le livre, que, ou bien on a révélé sur vous dans le livre, que si vous entendez des gens qui rejettent les versets et qui se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous assoyez pas avec ceux qui font ça jusqu'à ce qu'ils changent de sujet et qu'ils cessent de se moquer et qu'ils parlent de d'autres choses. Sinon, vous allez être comme eux. Si vous restez assis avec eux pendant qu'ils sont en train de se moquer des versets d'Allah et de nier les versets d'Allah, vous devenez comme ceux qui le font. Et après Allah il dit pour terminer ce verset-là que Allah va certes réunir tous les hypocrites et les mécréants dans l'enfer, et il va tous les réunir ensemble dans l'enfer. Donc, ça c'est pour dire que toute personne qui agit de cette façon-là, c'est-à-dire des gens qui sont réunis ensemble, en train de se moquer de la parole d'Allah, en train de se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en train de faire des péchés, et toi tu es avec eux et tu fais rien et tu dis rien, ça c'est comme si tu étais un parmi eux. Hein. Et ces gens-là, on voit leur attitude souvent, actuellement c'est comme ça, ils vont faire des émissions à la télévision ou à la radio hein, et ils vont dire, ça c'est dans des pays musulmans, et dans des émissions arabes, souvent vous allez voir des trucs comme ça. Chez les non-musulmans, même pas besoin de le mentionner, ça c'est sûr, ils le font tout le temps. Mais dans des pays arabes, des pays musulmans, vous allez voir, ils vont faire une émission et ils vont dire par exemple, le hijab, pour ou contre, ou bien telle chose, pour ou contre. Et là, ils vont par exemple dire, on va accepter les appels des gens qui vont dire leur opinion et tout. Et là, ils invitent par exemple un doctorat ou un homme spécialiste dans quelque chose, ou quelque chose comme ça, et ils lui font expliquer certaines choses, et lui, il est pour. Après, ils vont faire parler un autre, par exemple, qui est spécialiste en un autre domaine, psychologue ou autre, et là, il va dire le point de vue de ceux qui sont contre. Et là, après, ils vont faire appeler des gens pour dire, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et là, tu vas voir des gens qui appellent, qui vont dire, non, je suis pas d'accord, et tout, puis là, peut-être même, ils vont essayer d'argumenter, et d'autres, ils vont répondre, ils vont dire qu'ils sont pour, etc. Donc, c'est comme s'ils se moquent d'une certaine façon de la religion. Et tu vois souvent, par exemple, ils parlent maintenant du hijab, comme si c'était une question sur laquelle on a le droit de diverger, comme si c'était une question sur laquelle on a le droit d'être en désaccord, alors qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout de place pour le désaccord dans ces questions-là, puisque c'est clair, à part la question du visage et des mains, il n'y a pas de place pour le désaccord par rapport au djilbab et par rapport à comment la femme doit se voiler. Hein. Mais eux quand même, ils en trouvent encore les moyens pour amener des raisons de désaccord, et c'est comme devenu un sujet sur lequel on a le droit à son opinion personnelle, puis que chaque personne a le droit de dire ce qu'il pense ou ce qu'il veut. Toutefois, si par exemple tu dis à quelqu'un que le porc c'est haram, l'alcool c'est haram, en général, les gens vont dire non, ça c'est haram, on n'a pas le droit d'en discuter. Hein. Et ils ne réalisent pas que tout ce qui vient dans le Coran et qui est clair, qu'est-ce qui est dans la Sunna et que c'est clair, et qu'est-ce qui a été admis par la Umma, par les salafs, à l'unanimité, et que ça a été un consensus à leur époque, on n'a pas le droit de le remettre en question ou d'être en désaccord au sujet de ces choses-là, lorsque c'est clair de cette façon. Et malgré tout, on voit que ces gens-là, ils essaient toujours d'arriver et d'en parler comme si c'était toujours des questions sur lesquelles il y a des doutes. Et des fois, ça m'a vraiment choqué de voir que certaines personnes qui se présentent comme étant des douates, quand ils parlent d'un sujet et qu'ils veulent suivre leur passion dans cette question-là, ils présentent toujours la question aux gens qui sont souvent ignorants, ils leur présentent toujours la question comme s'il y avait un désaccord au sujet de ce point-là. Ou bien ils vont dire, ah, mais c'est pas tous les savants qui sont d'accord, ou bien il y a une partie des savants qui ont dit ça. Hein. Et ils inventent un désaccord qui n'existe pas pour essayer de faire croire aux gens qu'il y a possibilité de ne pas être d'accord avec cette situation-là. Et quand tu leur demandes à ces gens-là, montre-moi d'où est-ce que vient ce désaccord-là, qui l'a ramené avant toi, et prouve-leur que c'est un désaccord réel qui existait depuis l'époque des premiers savants, et ils ne sont pas capables de le ramener. Hein. Donc, une de leurs méthodes, c'est d'inventer des désaccords qui n'existent pas, et de présenter la religion comme si c'était une chose que tu peux accepter ou non. Si c'est le cas pour le hijab, pourquoi on ne le fait pas pour la salat? Pourquoi on ne le fait pas pour le jeûne? Pourquoi on ne le fait pas pour le hajj? Pourquoi on ne le fait pas pour le wudu? Pourquoi on ne se réunit pas pour essayer de dire, bon, ça y est, 5 prières par jour, là, ça devient un petit peu compliqué. On va faire un vote pour savoir si on est d'accord à baisser le nombre de prières à 3 au lieu de 5. Hein? Mais c'est vrai, si on peut le faire pour le hijab, pourquoi on ne pourrait pas le faire pour d'autres aspects de la religion? Le soir, oui. Mais ça, il n'y a pas de savant qui dit ça, et ça, ils savent, ces gens-là, souvent, ils font ça, c'est parce qu'ils cherchent des prétextes pour mettre, disons, leur dunya avant la religion. Ils disent, ah ben, je ne peux pas prier au travail, donc je vais mettre toutes mes prières ensemble, puis je vais les faire toutes le soir. Alors que ça, c'est haram de faire ça. D'accord? Mais, c'est pour dire, La réalité, c'est que qu'est-ce que les musulmans doivent réaliser et doivent comprendre, c'est que on ne peut pas prendre les questions de la religion comme si c'était des questions de l'expression c'est quoi, pick and choose en anglais. Tu choisis, puis tu prends et tu choisis ce que tu veux. Hein? C'est ça. You pick and choose. Hein? Tu commences à trier, à faire du tri. Oui. Ok, ça, oui, dans la religion, ça me convient, je le prends. Ça, ah non, ça me convient pas, je le laisse. Ça me convient, je le prends. Tu peux pas faire ça avec la religion d'Allah. La religion d'Allah, tu dois l'accepter en entier, et y croire en entier, et le prendre tel qu'elle est. Donc, l'attitude des koufars et des munafiqin, c'est de faire croire aux musulmans qu'ils peuvent faire cette attitude-là, se trier dans la religion et choisir ce qu'ils aiment et laisser ce qu'ils n'aiment pas selon leurs désirs et leurs passions. Et là, ils ont fait ça avec le hijab. Mais dites-vous une chose, il faut que ce soit très clair pour vous, c'est que quand ils le font avec le hijab, c'est juste un exemple, ou bien c'est juste un début. Hein, ils ouvrent la porte avec cette question-là, pour ensuite commencer à faire ça avec tous les autres aspects de la religion par la suite. Comme ça, la religion devient comme une sorte de question personnelle, hein, c'est comme la religion à la carte. Hein. Comme quand tu rentres au resto, on te présente le menu, tu prends ce que tu veux dans le menu. Hein. Ben, c'est comme ça maintenant la religion. Et quand ils l'appliquent à la démocratie, et que ces islamistes rentre dans les parlements pour essayer soi-disant d'arriver à faire établir l'islam, ou d'ordonner le bien et d'interdire le mal comme ils le prétendent. Parce qu'ils disent que nous on rentre dans le parlement pour essayer d'interdire le mal et d'ordonner le bien dans le parlement. Comme ça s'il y a des ministres ou des députés qui sont contre l'islam, qui sont laïcs ou communistes ou autres, nous on va leur dire non ça c'est haram ou ça c'est pas permis, etc., etc. Et donc quand il y a un projet de loi, on va voter pour un projet de loi qui est en accord avec l'islam, mais si c'est un projet de loi qui est contre l'islam, ben là on va voter pour le faire arrêter, et ainsi de suite. Et donc le chef explique que ça c'est pas permis de le faire, parce que ça équivaut à s'asseoir avec des gens alors qu'ils sont en train de faire le haram. Et Allah SWT nous a dit comment agir avec des gens qui font des choses pareilles, soit qui se moquent de la religion, soit qui rejettent les versets d'Allah, ou soit qui commencent à faire des péchés, et toi tu es avec eux. Eh ben, on va voir ce qu'il dit le cheikh. Il dit, وقال الشيخ السعدي رحمه الله وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور المجالس الكفر والمعاصي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أي يستهان بها وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها وهذا هو المقصود بإنزالها وهو الذي خلق الله الخلق لأجله فضد الإيمان الكفر بها وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها فيدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقا بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه وتقتحم حدوده التي حدها لعباده. الشيخ عبد الرحمن السعدي dans son tafsir à propos de ce verset-là, il donne des clarifications et des détails très intéressants pour nous faire comprendre comment ça s'applique, ce verset-là. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué dans ce qu'il nous a révélé le verdict de la charia au sujet d'assister à des assemblées de kufr et de péché. Que si vous entendez qu'on se moque des versets d'Allah ou qu'on les renie ou qu'on s'en ou qu'on s'en raille, alors, c'est-à-dire qu'on les dénigre et qu'on les rabaisse, hein, eh ben, l'obligation pour tout musulman, c'est, l'obligation, il dit, وَذَلِكَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ فِي آيَاتِ اللَّهِ الْإِيمَانُ بِهَا. Donc, l'obligation pour toute personne qui est mukallaf, ça veut dire, qui atteint l'âge de puberté, qui a la raison, hein, etc. Donc, toutes les, qui est musulman, les conditions qu'on connaît pour être mukallaf, c'est-à-dire qu'on est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que t'es mukallaf, tu es obligé de croire en les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de les exalter, de les vénérer, de leur montrer un respect et de les, comment je pourrais dire, de les sentir comme ils sont importants et grands pour toi, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que ces versets-là ont été révélés. Donc si quelqu'un, par exemple, il dit qu'il est croyant, mais qu'il rabaisse les versets d'Allah et qu'il les dénigre et qu'il s'enraille, c'est contraire à la foi. D'accord? Donc, lorsque tu assistes à des assemblées comme ça, c'est pour ça que les ulama, ils ont dit, par exemple, de pas aller assister aux conférences et aux conventions organisées par les gens de bid'a, organisées par les koufars qui vont insulter l'islam, ou parler contre le Coran, ou parler contre la sunna, ou se moquer de la religion. Même si ton intention, tu dis, moi je vais y aller pour répondre, parce que c'est probable qu'ils te laisseront même pas l'occasion de répondre et de réfuter le mensonge. Donc si tu penses que tu vas y aller et que tu ne seras pas capable de répondre à leur mensonge et de réfuter ce qu'ils disent de faux, qui est contraire à l'islam et contraire à la sunna, alors tu n'as pas le droit d'y aller. Hein? Et on va voir les détails de l'explication que le cheikh il donne ici. Il dit, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création pour qu'il croit en cette révélation-là et pour qu'il lui montre un respect et qu'il l'honore. Donc, le contraire de la foi en les versets d'Allah, c'est bien entendu de rejeter et de renier ces versets-là. Et le contraire du respect qu'on doit avoir envers ces versets-là, c'est de s'en moquer et de les mépriser. Et qu'est-ce qui rentre là-dedans? Un des points qui rentre dans le fait de s'en moquer et de les dénigrer, c'est de venir essayer d'argumenter et de disputer avec les koufars et les munafiqines pour essayer de réduire les versets d'Allah et de supporter la mécréance contre la foi. Hein, que ces gens-là, les koufars et les munafiqines, ils vont essayer de débattre pour rabaisser les signes qui viennent d'Allah et les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour supporter et donner victoire à la mécréance et au kufr. Donc quand tu vas t'asseoir avec eux pour débattre avec eux sur des questions qui ont rapport à ça, eh ben, le fait d'être avec eux puis que c'est eux qui vont commencer à avoir le dessus et de montrer donner la victoire à la mécréance et à l'hypocrisie, au rejet des signes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, le fait de s'asseoir avec eux pour ça, et t'es pas bien armé, t'es pas bien prêt pour les affronter, et que tu, à cause de toi, la religion va être, disons, méprisée ou rabaissée, parce que tu peux pas les affronter comme il faut, alors ça implique que c'est comme si tu faisais partie, ou tu participais avec eux, dans ce genre de choses qui amènent à rabaisser ou à manquer de respect à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et au Coran. La même chose avec les mubtadi'ah, peu importe leur catégorie, hein, quand ils viennent pour essayer d'argumenter sur leurs mensonges et leurs faussetés, et ça implique que tu dénigres les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quand ils ont fait une conférence il n'y a pas longtemps à l'université de Montréal. Ils ont fait une conférence sur, soi-disant, le féminisme islamique. Et ils ont invité des femmes, soi-disant musulmanes, hein. Et parmi les femmes qui parlaient, il y a des femmes pas de hijab, hein, qui venaient parler. Et il y a même des koufars qui venaient parler aussi, des femmes koufars, hein, qui s'adressent à des hommes. Il y a des femmes avec le voile, soi-disant, qui viennent pour parler. Et qui viennent s'adresser aux musulmans et aux non-musulmans pour expliquer la position de la femme dans l'islam. Mais bien entendu, avec toutes sortes de mensonges et de déformations de la vérité. Et donc, en plus de ça, quand c'était l'heure de la prière de Maghreb, eh ben ces gens-là, ils ne se sont même pas arrêtés pour faire la prière. Hein? La conférence commence, l'heure de la prière de Maghreb rentre, et ils continuent jusqu'à la prière d'Isha. Ils ne se sont même pas arrêtés pour faire la prière de Maghreb. Et ça, c'est une conférence islamique pour montrer, pour parler de l'islam et de la, du féminisme dans l'islam. Et là-dedans, dans ce, parmi les femmes qui parlaient, il y a des laïcs, des féministes, des femmes kuffar, yani, des femmes arabes qui sont non voilées, qui font ouvertement le péché de tabarruj et de montrer qu'elles désobéissent à Allah, et de, que ces femmes-là vont venir pour essayer de présenter, soi-disant, quelque chose qui a rapport avec la foi et l'islam. C'est complètement aberrant. Et donc, c'est pour vous dire, d'assister à ce genre de conférence-là, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Parce qu'en plus, elles mentent sur le Coran, elles mentent sur la Sunna, elles mentent sur l'islam. Et toi, tu vas aller là-bas et tu penses que tu vas peut-être être capable de les réfuter, alors que ce n'est pas le cas. Et tu risques de créer plus de fitna que d'autres choses. Alors, c'est, le mieux, c'est de justement t'abstenir d'assister là-bas et de, si tu es capable de clarifier la vérité d'un autre moyen, hein, par d'autres façons, et dans ce cas-là, c'est obligatoire de le faire si tu es capable. Le chef, il dit ensuite, donc, de t'asseoir avec les gens de Bid'a et d'écouter leurs leur faux arguments et leurs mensonges, ça implique aussi que tu vas, tu vas rabaisser et dénigrer et mépriser les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce qui vient d'Allah, les versets qui viennent d'Allah sont toutes des indications de la vérité. Et elles impliquent uniquement la sincérité et la vérité. Donc, le fait de t'asseoir et d'écouter ces choses-là et de participer avec eux dans ces choses-là, c'est comme si en réalité tu participais avec eux dans ce qu'ils font contre la révélation d'Allah. Et la même chose peut être dite à propos de ceux qui assistent aux assemblées de péché et aux assemblées de désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lesquelles on dénigre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses interdictions, et qu'on dépasse et on transgresse les limites que Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour ses serviteurs. Donc, par exemple, des assemblées ou des endroits, des réunions de fêtes où il y a soi-disant de la musique, hein, et des chants et des amusements, tout ça, disant. Et les gens vont là-bas, ils sont témoins de toutes sortes de péchés et puis ils disent rien. Ou bien tu vas dans un mariage, on t'invite dans un walima, tu rentres là-bas, puis tu vois tout d'un coup il y a des musiciens, des flûtes, des tambours et tout, il y a une orchestre, puis après il y a des danseurs, des danseuses ou je sais pas quoi. Les gens commencent à faire toutes sortes de péchés, les femmes sont sans hijab, il y a les hommes qui se mélangent avec les femmes, des trucs comme ça. Puis toi tu restes là et tu bouges pas, puis tu regardes et tu dis rien toute la soirée. Ça c'est un exemple de t'asseoir et d'être présent dans une assemblée de péchés et tu fais rien contre ça. Donc Allah dit si c'est le cas, donc vous êtes comme eux. Même si vous le faites pas, même si vous faites pas la même chose qu'eux, mais vous êtes présent, assis avec eux, ben c'est comme si vous êtes comme eux dans ce cas-là. Et il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et vous savez, en fait, la Ummah actuellement, la Ummah, dans l'état dans lequel elle est actuellement, beaucoup d'entre ce qui persiste et ce qui continue à exister comme péché, comme transgression dans la Ummah, eh bien, ça continue à exister à cause du fait que les musulmans ne font rien, ne disent rien quand ils sont témoins ou quand ils voient ce genre de choses-là. Et puis, la moindre des choses que tu peux faire, lorsque tu vois des choses comme ça qui se passent, la moindre des choses, c'est, si tu peux rien faire, au moins tu restes pas là. Tu sors. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'on n'ose pas prendre une position ferme et agir de la façon qu'il faut agir. Peu importe le lien ou la relation qui te relie avec la personne qui t'a invité. Peu importe. L'amour et le respect des règles d'Allah doivent prendre le dessus sur l'amour et le respect que tu peux avoir sur la personne qui t'a invité. Et la personne doit savoir que il y a une limite. Il n'y a pas un amour inconditionnel entre toi et elle qui fait que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tu vas l'accepter parce que tu l'aimes. Hein, c'est cet amour inconditionnel-là que les gens ont développé maintenant, qui est absolument contraire à l'islam, c'est que peu importe ce qu'une personne va dire ou faire, ça va rien changer à l'amour que tu as pour elle. Même si c'est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il cite ensuite les paroles de l'imam Ibn Kathir, encore une fois dans le tafsir au sujet de ce verset, 140 dans Surah An-Nisa, il dit, Ibn Kathir il dit, rahimahullah, إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه فلهذا قال إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم في المأثم كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. Le cheikh il dit, Ibn Kathir, si vous le faites, c'est-à-dire si vous restez avec eux et vous ne dites rien, et que vous en allez pas, alors vous êtes comme eux. Ça veut dire que vous avez fait la chose qui vous avait interdit, hein, si vous restez avec eux, et que vous restez avec eux après avoir su que ce qu'ils font c'est haram, et que vous êtes resté quand même là pendant qu'ils sont en train de discuter de ces choses-là, de kouf ou de haram ou de bid'a ou autre, et que vous êtes satisfait de rester avec eux à cet endroit-là où on se moque et on remet les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qu'on dit, on rabaisse les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme si vous avez dit que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font, et vous êtes comme des complices avec eux dans ce qu'ils font par rapport à cette chose-là, hein, et vous êtes comme eux, comme Allah il dit, donc vous êtes comme eux, vous êtes pareil comme eux, dans le péché. Comme c'est rapporté dans le hadith, en fait c'est un hadith qui est hassan, j'ai vérifié dans le jami' sahih al-jami' al-sahir, Cheikh al-Albani me dit que c'est un hadith qui est hassan, rapporté par Tirmidhi et Al-Hakim, et il est donc authentique. Et ça dit quoi ce hadith? Quiconque croit à Allah et au jour dernier, qu'il ne s'assoit pas à une table où on fait servir de l'alcool. Hein? Et donc ça vient réfuter les paroles de du Soufi Naqshbandi, l'imam de Naqshbandi de la mosquée de Fairmount, qui prétendait à l'émission Tout le monde en parle que s'il s'assoit avec des gens qui boivent de l'alcool, c'est pas grave. Et l'argument qu'il a amené, c'est que c'est pas moi qui le consomme. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah al-Musta'an, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il ne s'assoit pas à une table où on sert l'alcool. Donc ça a rapport avec la foi. Même si tu dis, moi je le bois pas, c'est pas moi qui le bois, c'est pas grave. T'es avec eux pendant qu'ils sont en train de faire ce péché-là, c'est comme si t'es avec eux. Tu dis oui, j'approuve, j'accepte. Hein? Y a pas de problème. Et donc eux, pour toi tu dis non, mais pour les autres c'est correct, donc c'est comme si tu l'acceptais. Et la personne qui agit comme ça, en fait, qu'est-ce qui fait plaisir aux koufars, c'est ça, c'est cette attitude-là. Les koufars, ils attendent juste des musulmans ce genre d'attitude, d'approbation-là. C'est-à-dire, vous avez le droit de pas le faire si vous voulez pas le faire, mais dites pas qu'on n'est pas correct de le faire nous. Hein? C'est comme ça que les koufars, c'est ça que les koufars veulent de la part de tous les mu'minines, de tous les musulmans sur la terre. Mais ok, vous, les musulmans, vous voulez pas faire le zina, vous voulez pas boire de l'alcool, vous voulez pas faire l'homosexualité, vous voulez pas faire ci et ça, c'est votre choix, vous êtes libre. Mais dites rien à propos de ceux qui veulent le faire, et ne montrez pas que vous êtes contre ça, et ne vous objectez pas ouvertement à ces choses-là. Alors que l'islam nous dit le contraire. l'islam nous dit non, il faut s'objecter ouvertement, il faut montrer qu'on est contre, il faut pas l'approuver d'aucune façon, d'accord. Et donc c'est cette attitude là qui dérange les kuffars, du fait qu'on dit pas aux gens ok, ben vous vous êtes libres et nous on est libres. Moi j'ai entendu cette attitude là même de la part de certains du'ats qui appellent à, soi-disant, à l'islam. Il dit bon, il y a des musulmans qui veulent pas entendre la musique, qui veulent pas lire, pour eux tout est haram, ça ils ont le droit. Il y a des savants qui sont de cette opinion-là, et c'est leur choix. Mais nous, on n'est pas d'accord avec cette opinion-là. On les respecte, hein, on les respecte dans leur choix, c'est leur choix. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, notre opinion, c'est que on fait le tri. On regarde, hein, puis on prend ce qui est bon, puis tout ce qui n'est pas bon, on le rejette, soi-disant. Et ça, c'est une attitude comme pour dire aux femmes, et allez, regardez, nous on est ouverts d'esprit, puis en même temps pour dire aux musulmans, ben, laissez à tout le monde faire ce qu'il veut. Et puis il dit en plus, si vous voyez un musulman qui dit que pour lui la musique c'est haram, et que pour lui le cinéma c'est haram, et que pour lui le livre c'est haram et tout, donc, dites pas de lui que c'est un intégriste et qu'il est trop dur, etc. Non, ça c'est une opinion, c'est correct, il a le droit, c'est son choix, il faut respecter. Mais de la même façon, si vous voyez un musulman qui veut écouter de la musique et qui veut voir les cinémas qui sont bien, qui sont corrects, soi-disant, alors il faut pas dire de lui, ah c'est un musulman light, c'est un musulman soft, c'est un musulman, etc., modéré et tout. Non, il ne faut pas dire ça, parce que c'est une opinion des savants aussi, il faut la respecter. Donc c'est comme s'il a essayé de dire, bon, donnant, donnant. Hein. On ne vous dit pas que c'est… ouais, c'est ça, transiger. C'est-à-dire, on ne vous dit pas que vous n'êtes pas correct, mais vous, à votre tour, dites-nous pas qu'on n'est pas correct. Hein. Comme ça, on va tous être contents et mettre dans la main. Donc, c'est pour dire… l'ignorance de ces gens-là. Et après, le cheikh il dit, « وَقَالَ الْقُرْتُبِي إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وإذا ثبت وتجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Qurtubi, il dit dans son tafsir, il dit que si vous ne quittez pas, ou si vous n'en allez pas, sinon vous êtes comme eux, ceux qui font ce péché-là. Le cheikh il explique, il dit que toute personne qui s'assoit dans une assemblée où il y a un péché qui est en train de se faire et qui n'a pas dénoncé ou parlé contre ce péché-là, il a le même poids de péché que les autres. Il est égal avec eux dans le péché, même s'il ne le fait pas lui-même. D'accord? Donc, tu es dans un endroit où les gens boivent de l'alcool, tu es assis avec eux, tu dis rien. Tu es dans un endroit où les gens sont en train d'écouter de la musique, ou t'es dans un endroit où les gens sont en train de faire des choses, ou dire des paroles de bid'a, ou de kouf, ou de shirk, ou d'égarement, ou de des choses de ce genre, et que tu es là et que tu dis rien, alors que t'es capable, alors là t'es égal avec eux dans le péché, et il dit c'est obligatoire pour toi, lorsque tu vois qu'ils sont en train de dire des choses de péché, hein, et qu'ils font ces péchés-là, si tu es capable de dire que ce qu'ils font c'est haram et de dénoncer ça et de les arrêter. Mais si tu n'es pas capable de les dénoncer et de dire que ce qu'ils font est pas bien, alors c'est obligatoire pour toi de te lever et de t'en aller pour pas faire partie des gens de ce verset-là. Hein? Si tu n'es pas capable de l'interdire, le moindre que tu peux faire c'est de te lever puis de partir, de ne pas participer, d'être témoin avec eux dans ce qu'ils font. Juste après, le cheikh il dit, et donc si c'est le cas pour les gens qui font les péchés, qu'on doit dénoncer ce qu'ils font ou bien s'en aller, alors le cas pour les gens qui font des bid'a, et des, qui suivent leur passion, c'est encore pire. C'est-à-dire, on doit encore plus s'en aller, si c'est des bid'ah, par rapport au péché, parce que la bid'ah est plus grave et plus dangereuse que le péché. Donc ça, c'est rapporté dans son tafsir. Naam. Naam. Dans un cas comme ça, Allahu a'lam, si t'es dans ton travail, dans ton lieu de travail, puis il y a des koufars qui sont en train de se moquer de la religion, eh ben, puisque tu peux pas changer de place, le minimum que tu peux faire dans ce cas-là, c'est de leur dire d'arrêter de parler de ça. Et de dire que, qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct. Au moins, tu peux pas, au moins, tu pourras dire que t'as dit quelque chose. Et, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux aller, par exemple, Wallahu A'lam, tu peux aller te plaindre à ton supérieur. Pour dire, par exemple, que t'es dans ton lieu de travail. Et puis qu'ils sont en train de se moquer des choses de la religion, puis de parler contre la religion. Alors pour leur demander qu'ils ne continuent pas à faire des choses pareilles et que ça te dérange, d'accord? Oui, c'est ça. C'est leur dit d'arrêter. C'est ça. Et parce qu'il y a un frère au travail, il travaille dans une compagnie. À chaque jour, il l'appelait, il disait, Ben Laden, il l'appelait Ben Laden parce qu'il avait la barbe, et puis il le traitait de nom, puis il lui disait, terroriste, des trucs comme ça. Il est allé voir le supérieur, il leur a dit. Le supérieur, il a dit, le prochain qui te le dit, tu me donnes son nom et tout, puis on va s'en occuper, parce que ça, c'est grave, hein, c'est des graves accusations. C'est pas des blagues, des choses comme ça. Ça, on fait pas des. Ça, il faut pas. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme. Moi, je leur ai dit, comment tu te permets de me parler premièrement, puis de me faire des blagues comme ça? Hein? Alhamdulillah. Il y a un respect, il y a une limite qu'il faut pas transgresser, là. Et ces gens-là, ils. Non, il faut pas. C'est ça. Non, c'est vrai. Ces gens-là, c'est ce que certains musulmans, ils pensent que le fait de sourire, de rire avec eux, de blaguer avec eux, ils pensent que ça, c'est de montrer le bon comportement de l'islam. Non, au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ. Déjà comme ça, il faut être dur avec eux pour leur montrer que tu es ferme. Et que tu vas pas transiger avec eux. Exactement. Exactement. Donc ça c'est très important, tout ce point-là. Ensuite le cheikh il dit, وقال السعدي والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام. Ça c'est l'explication ou un détail rajouté par le cheikh Ahmed al-Najmi au sujet de ce verset-là. Le cheikh il dit donc, quiconque est présent lors d'une assemblée où on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est obligatoire pour lui de dénoncer ce mal, hein, s'il est capable, et de se lever s'il n'est pas capable. Hein? Donc c'est pas comme l'autre là, Omar Kone, le Naqshbandi, qui dit non, on lui pose des questions sur l'homosexualité, on lui dit clairement oui, est-ce que toi tu t'es contre ça, et il lui dit ah, ben moi personnellement, etc., il commence à philosopher, hein, tout pour pas dire qu'est-ce qui va choquer, et il était invité par la suite, le lendemain, ou bien, je ne sais pas, une semaine après. Il a dit, vous êtes un beau bonhomme ou quelque chose comme ça. Déjà, il est en train de le draguer, là, l'homosexuel. Oui, c'est ça. Il était content. Et à la fin, il lui a dit, qui m'aime me suivre. Il a fait une blague avec ça, parce qu'il y en a qui disent, qui m'aime me suivre. Lui, au lieu de qui m'aime, il dit, qui m'aime me suivre. L'homosexuel à la fin. En tout cas, et le pire, c'est qu'il m'a fait rire quand il m'a dit, vous savez, c'est très difficile. difficile, hein. C'est pas facile d'être homosexuel. comme si c'était quelque chose qu'il subit. C'est pas quelque chose qu'il a décidé lui-même, c'est quelque chose qui lui a été imposé, puis là, il est obligé de se faire sodomiser ou de sodomiser les hommes. Aoudoubillah. Donc, moi, quand j'entends ça, ça me fait vraiment. Et puis, si quelqu'un, le minimum, si quelqu'un il est attiré par les hommes, et qu'il a cette chahwa en lui, et qu'il l'attire à faire ce haram, le minimum, s'il aime vraiment Allah et qu'il croit, il se retient. Et il ne transgresse pas la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il abandonne ce qu'il aime pour ce que Allah aime. Hein? Et il dit, bon, Allah il nous a dit c'est avec un homme avec une femme, donc je me soumets et j'accepte la loi d'Allah. Mais quand quelqu'un il s'est soumis à sa passion et à ses désirs, il a transgressé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, non, j'ai pas à suivre ce que Allah m'a ordonné, parce que c'est ma passion qui a le dessus, et puis je vais respecter et je vais suivre tout ce que ma passion m'a dicté. Ah ben ça c'est grave. Mais juste pour dire, subhanallah, comme une femme par exemple, qui commence à être attirée par d'autres femmes, elle dit, ah non, moi je vais suivre ma passion, puis je vais pas me limiter à la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou bien un homme qui, par la suite, ça peut aller plus loin encore. Hein? Une femme qui est attirée par son père, ou un homme qui est attiré par sa mère, ou par, un homme qui est attiré par sa sœur, un frère qui est attiré par sa, hein. Et là, après, ça rentre dans ça. Ça veut dire, ah, parce que je ressens la passion ou le désir de faire ça, donc ça veut dire que ça devient correct. Et ça justifie tout ce que je vais faire, ça disant parce que je peux pas le contrôler. Alhamdulillah, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Hein. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, leur argument est futile. Qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est qu'ils suivent leur passion et leur désir. Hein. Donc, l'argument de dire, ah mais, c'est pas moi qui le fais, donc c'est pas grave, ça c'est pas un argument acceptable dans l'islam. Parce que si t'es pas capable de le changer, le mal, le minimum c'est que tu te lèves et que tu t'en vas. Hein, même si ça déplaît aux gens. Et le cheikh il dit, wa qala ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire à propos de l'émission là, où le soufi était là-bas. Eh ben, il est allé à l'émission Taxi Maghreb, animée par l'Algérien Lamine Foura, à Radio CIBL, je pense que c'est CIBL. En tout cas, c'est une radio communautaire, taxi, moi non plus, en tout cas je pense que c'est 105 point quelque chose, c'est à Montréal, ouais c'est à Montréal. En tout cas, il a invité l'imam Soufi là, le lendemain, c'est pour te dire comment c'était bien planifié leur affaire. Déjà lui il était dans le reportage de Nadia Zouaoui. Bon, déjà, sont des amis entre lui et elle, ils sont des amis. Et en tout cas, tous ces gens-là sont reliés. Tous ceux qui sont dans l'émission, ils se connaissent tous. Donc, je vais vous dire que c'était bien arrangé. Et donc, le lendemain, il était invité à l'émission, l'imam Soufi. Et il a expliqué, il a essayé de justifier sa présence là-bas à l'émission et pourquoi il a agi comme ça, en disant que, soi-disant, c'était pour essayer de ramener l'image de l'islam, parce que là il y avait une tension dans la société, on la sentait, puis le fait qu'il soit allé là-bas puis qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit, ça a eu un impact positif, hein, les gens ont commencé à soi-disant aimer plus l'islam et les musulmans après ça. Et puis après il y a quelqu'un qui a téléphoné puis qui lui a dit, ouais mais on sait que vous avez un islam un petit peu soft. C'est comme vous parlez jamais de la Palestine et des trucs comme ça. Comme si la question ici là c'était parler de la Palestine. Alors qu'il est en train de danser dans sa mosquée, tourner en rond, et puis il se mélange avec les hommes et les femmes, il tourne comme des fous là. Et puis il prétend que c'est ça l'islam. Hein? Donc c'est pour dire. Après le cheikh il dit, wa qala ta'ala, wa idha ra'ayta alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. C'est le verset 68 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si tu vois ceux qui pataugent et qui disputent sur nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre discussion. Et si le shaitan te fait oublier, alors ne reste pas, une fois que tu t'es rappelé, ne reste pas avec les peuples ou avec les gens injustes. Une fois que tu t'es rappelé, ne reste pas assis avec les gens injustes. Donc ça veut dire, une fois que tu t'es souvenu que tu ne dois pas rester là et que tu te rappelles, hein, parce que le shaitan t'a fait oublier, tu te lèves, tu t'en vas, tu ne restes pas là. قال الشوكاني رحمه الله وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم أو مجالستهم وذلك يسير على غير عسير يسير عليه غير عسير وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يتشبهون بها على العامة فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. للشيخ الذي الإمام الشوكاني il a parlé de ce verset là, le verset 67 dans Al-An'am, et il dit que dans ce verset là il y a une exhortation très grande de ne pas se permettre de s'asseoir dans les assemblées des jeunes bid'ah qui déforment la parole d'Allah et qui jouent avec son livre et qui jouent avec la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, hein, et qui ramènent l'essence et les paroles d'Allah et de son messager à leur passion égarée, et qui interprètent ça selon leurs bid'ahs qui sont corrompus. Et lorsque, si tu n'es pas capable de réfuter et de changer ce qu'ils sont en train de faire, et alors si tu n'es pas capable de changer et de réfuter ce qu'ils sont en train de faire, le moindre de ce que tu es capable de faire ou de ce que tu peux faire, c'est de cesser de t'asseoir avec eux. Et ça, c'est facile. Hein, t'es pas capable de les réfuter, t'es pas capable de leur répondre. Le moindre que tu peux faire, c'est de te lever, de t'en aller. Et le cheikh il dit, parce que si tu t'en vas pas, non seulement tu t'assois et que tu entends le mal, tu entends le munkar, mais en plus de ça, les gens, les musulmans ordinaires, les gens qui ne connaissent pas les détails de l'islam, ils te voient t'asseoir avec eux, et dans leur tête, eux, ils s'imaginent que ça veut dire que tu es d'accord avec eux, avec ces gens de bid'ah. Et donc, ils vont prendre ça comme une sorte de shubha pour dire, ah, mais si un tel est assis avec eux, ça veut dire qu'ils sont corrects. Si un tel, il participe avec eux, ça veut dire qu'il est correct, ou qu'ils sont bons, ou qu'ils sont bien, ou qu'on peut prendre deux. Et par la suite, tu deviens une shubha pour ramener les gens dans l'égarement sans même que tu le veuilles. Le cheikh il commente à ce sujet-là et il dit « Qultu, ta'ammal qawl al-shawkani, fa'innahu iza lam yunkir alayhim wa yughayyir ma hum fihi, fa'aqallu al-ahwal an yatruka majalisahum. فهذا القول يوافق قول القرطبي فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. Donc il dit, regarde qu'est-ce que l'imam al-Shawkani il dit lorsqu'il dit, et si tu peux pas les réfuter et rejeter ce qu'ils disent et ce qu'ils font et changer ce qu'ils sont en train de faire, le moins que tu peux faire c'est de sortir de leur assemblée. C'est en accord total avec ce que disait l'imam al-Qurtubi plus tôt, lorsqu'il disait que si tu n'es pas capable de dénoncer le mal qu'ils font, alors tu dois te lever pour ne pas faire partie des gens dont Allah parle dans ce verset-là. Et il يوافق أيضا قول السعدي فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. Il dit que c'est aussi en accord avec la parole de l'imam al-Sa'di qui dit que c'est obligatoire pour toi dans ce cas-là, si tu n'es pas capable de les dénoncer, hein, et de montrer ce qu'ils font est faux, si tu n'es pas capable, alors tu es obligé de te lever et tu dois partir. Hein. C'est pas juste de rester assis puis dans ton cœur tu te dis « Ah non, j'aime pas ça ». Si tu es capable, il n'y a rien qui t'empêche de te lever puis de partir, alors tu te lèves et tu pars. D'accord ? Et le chef, il dit « Ta'ammal dhalika jayidan ». تأمل ذلك جيدا يتبين أنه لا يكفي أن ينكر المنكر مع البقاء في المجلس المنكر. فيا يا تتحجم على وسيمم طارق رمضان. Excuse de mentionner encore une fois ce gars-là, mais c'est juste pour dire. Dans une de ses cassettes, il parlait. Il dit, il y a une vingtaine d'années, il y a des gens qui disaient que de vivre dans les pays non musulmans, c'est pas permis parce qu'on vend de l'alcool et on permet l'alcool. Et lui, il a répondu, il a dit oui, mais on ne te force pas de boire de l'alcool. Donc, c'est permis, tu vois. Et en réalité, tu dis, ok, peut-être qu'on ne nous force pas de le boire, mais le fait qu'on est là puis qu'on dit rien et qu'on voit ça tous les jours comme si c'était normal, hein, c'est comme une sorte d'approbation indirecte, hein. Et si on élargit le sens de ce verset-là et l'application de ce verset-là, eh bien on peut le comprendre jusqu'à dire que même de rester dans une société où le mal se pratique ouvertement et que tu peux pas le changer, que tu dois au moins quitter et aller vivre ailleurs où tu peux justement pas être témoin de ces choses haram-là et de faire l'hijra, ça c'est le minimum, wallahu a'lam, mais c'est pour dire que d'utiliser ce genre d'argument-là, ça prouve une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance des règles de la charia. Après, le cheikh dit « وَتَأَمَّلْ ذَلِكَ جَيِّذًا يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَنْ يُنْكَرَ الْمُنْكَرْ مَعَ الْبَقَاءِ فِي مَجْلِسِ الْمُنْكَرِ دُونَ تَغْيِيرِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرْ لَكَ أَخِي الْقَارِئُ ضَلَالًا مَنْ سموا أنفسهم بالإصلاحيين وهم بمعزل عن ذلك حيث شارفوا بل دعوا إلى هذه الأمور البدعية بحجة إنكار المنكر وما علموا أنهم بمشاركتهم هذه قد وقعوا في أكبر المناكير وذلك أنهم يسمعون ويعلمون أن معنى المشاركة في مثل الانتخابات البرلمانية عزل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جانبا واستبدالهما بتشريعات بشرية بل هذه المجالس تجعل من الكتاب والسنة رأيا من الآراء يعرضان على رأي الأغلبية فإن وافق رأي الأغلبية أخذ بهما وإلا رد فالله المستعان وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc le cheikh il explique, pour terminer ce point là, il explique un point très important. Il dit donc, on a compris en observant comme il faut tout ce qu'on a clarifié, qu'il n'est pas suffisant de seulement parler ou de dénoncer le mal en restant dans l'assemblée où le mal se produit sans le changer. Il n'est pas permis même de s'asseoir à cet endroit-là et de rester à cet endroit-là. Et donc, on peut donc comprendre maintenant, chers lecteurs, l'égarement de ceux qui s'appellent eux-mêmes les réformateurs. Il y a des partis comme le parti des Ikhwan au Yémen qui s'appelle Al-Islah, Hizb al-Islah. Et tous ceux, par exemple, comme Abdurrahman Abdul Khaliq au Koweït, et d'autres dans différents pays musulmans qui rentrent dans le Parlement, comme le fils en Algérie ou d'autres pays ailleurs, où ils veulent soi-disant rentrer dans le Parlement pour soi-disant arriver à changer la Constitution ou les lois ou les trucs de ce genre. Et donc ils rentrent dans le Parlement avec l'intention soi-disant d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le cheikh il dit que ceux qui s'appellent eux-mêmes les réformateurs, alors qu'ils sont très éloignés de la réforme, hein, et qui disent qu'ils vont, ils disent qu'ils vont appliquer la charia ou changer le mal, en réalité, ils participent et même parfois ils invitent les gens à des choses qui sont des bid'ah, comme à la démocratie, à ces choses-là, avec soi-disant comme argument qu'ils vont dénoncer le mal, et ils n'ont pas compris ou n'ont pas su ou n'ont pas réalisé que en participant à ces choses-là, ils ont eux-mêmes fait ce qui est le plus grand parmi les mal. Hein? Tu veux interdire le mal alors que tu tombes toi-même dans le mal. Hein? Et c'est-à-dire qu'ils entendent et ils savent la signification que la signification d'entrer dans les parlements ou dans les assemblées législatives ou autres, que ça signifie que tu vas mettre de côté le Coran et la Sunna et que tu vas remplacer la charia d'Allah par des lois faites par l'homme. Et que tu vas soumettre le Coran et la Sunna à l'opinion ou à la voix de la majorité. Et que tu vas traiter le Coran et la Sunna comme si c'était une opinion parmi d'autres. Hein? Et que si la majorité des gens qui votent décide que c'est une loi qui est en accord avec le Coran et la Sunna qui va passer, ils vont l'accepter. Mais si la majorité est contre, on la rejette. On rejette le Coran et la Sunna comme si rien n'était. Allahu musta'an. Donc, le Cheikh il mentionne le verset 44 dans Surat al-Baqarah qui dit: est-ce que vous voulez ordonner le bien et vous vous oubliez vous-même alors que vous êtes en train de lire le livre? N'utilisez donc pas votre intelligence, votre raison. Hein? Donc c'est pour dire, comment tu vas rentrer dans le Parlement pour interdire le mal, alors que soit cette action-là en soi, en elle-même, cette action-là, elle est un mal plus grand encore. Donc c'est une double contradiction. Hein? Et donc, d'agir de cette façon-là, c'est une absurdité. Hein? Comme par exemple, ils vont rentrer au Parlement pour essayer de dire est-ce qu'on doit, par exemple, permettre ou non la polygamie. Et là, tu leur ramènes hein, un de ces soi-disant islamistes-là qui rentre dans le Parlement, ils vont dire non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que c'est permis, et dans la Sunna, c'est écrit que c'est permis. Et là, ils vont faire le vote, et là, la majorité, soi-disant, va voter que c'est pas permis, et donc ils vont rejeter le Coran et la Sunna. C'est ça que ça implique. Et ça, c'est grave. Hein? Parce que c'est un acte de kufr de rejeter le Coran et la Sunna. Et donc, c'est très dangereux d'agir de cette façon-là vis-à-vis du Coran et de la Sunna et de la religion. Et ça montre le danger et l'interdiction de rentrer même dans ce genre de choses qu'on appelle les élections et le Parlement au nom de l'islam. Ça, c'est encore pire si c'est fait au nom de l'islam. Hein? S'il vous plaît, les frères, laissez le chat tranquille, subhanallah. Hein? C'est pas le chat qui me déconcentre, c'est vous. laissez-le. Le chat, il est comme ça. Si on le dérange pas, il dérange pas. Hein? S'il voit une souris, il va partir à courir. Non, laisse-le. Moi, il commence à me faire éternuer, mais c'est pas grave. Je commence à sentir mon nez là qui me chatouille. Moi, je suis allergique. Ouais. C'est parce que là, il fait chaud, puis il n'y a pas d'air. Hakim, tu peux laisser le rideau ouvert comme ça? Ouais, barakallahu fik. Oui, c'est ça. Tu peux fermer le screen. Ok. On a fini donc le point numéro 10, là on va faire le point numéro 11. Le chef il dit dans le point numéro 11, فقدان حاجز الولاء والبراء بين أفراد هذه المجالس. On va lire ce point-là, il est pas long, et puis ça va être le dernier point pour aujourd'hui, Inch'Allah. Après on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Le cheikh il dit dans ce point que lorsqu'on suit un des méfaits de la démocratie, c'est que lorsqu'on rentre dans ce système démocratique et des élections, on perd la barrière de al-wala wal-bara, c'est-à-dire de s'allier et de s'aimer pour Allah et de se séparer et de se détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça détruit cette relation-là ou cette notion-là entre les membres du Parlement. Ok? Ça veut dire que tu vas être obligé de t'allier avec quelqu'un qui est aimé d'Allah dans le Parlement pour, soi-disant, défendre ta cause ou ton intérêt, puis tu vas être obligé par quand même de t'opposer à quelqu'un qui est un allié d'Allah pour arriver à ton intérêt. Le chef il explique ça, il dit وهذه المفسدة ناتجة عن مجالسة أهل الباطل فتولد من ذلك عن ذلك كسر حاجز الولاء والبراء الذي هو الحب في الله والبغض في الله اللذان هما أوثق عرى الإيمان كما أخرج ذلك الإمام الطبراني وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. Le cheikh il dit que un des méfaits de la démocratie et des élections, c'est que tu vas, en t'assoyant avec les gens du mensonge et de la fausseté, détruire la barrière qui existe dans le principe de al-wala wal-bara, c'est-à-dire de s'aimer et de se rapprocher pour Allah et de s'éloigner et de se détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'aimer en Allah et de se détester en Allah. Et cet aspect-là dans la foi, c'est un des plus fermes et des plus hauts niveaux de la foi dans l'islam. Donc, de perdre ça, c'est quelque chose de très grave parce que ça affecte la foi. Hein, c'est parmi les fondements même de l'islam. Et Abi Zar, radiallahu anhu, s'est rapporté qu'il a dit, l'imam al-Tabarani a rapporté un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Awfaq ura al-iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-hub fillah wal-bourdu fillah » Donc ça veut dire que le cap le plus ferme de la foi, c'est l'amour, le fait de s'allier et d'aimer quelqu'un pour Allah et de s'opposer et de s'éloigner de quelqu'un pour Allah, et d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Ça c'est qu'est-ce qu'il y a de plus ferme dans la foi. Et c'est rapporté, ça c'est rapporté dans, par At-Tabarani, et l'imam Sheikh Al-Albani, il dit dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha, فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل والله أعلم. Donc ce hadith-là, quand on rassemble toutes ces voies par lesquelles il a été rapporté, il arrive au degré de Hassan. Et donc, il est un hadith acceptable. Et donc, ça c'est pour dire l'importance de Al-Wala Wal-Bara dans l'islam, et que lorsque tu rentres dans le Parlement, ça détruit ça. Parce que tu dois t'allier avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez par exemple, juste pour dire, ça c'est dans le cheikh il parle de ce qui se passe au Yémen ou dans des pays musulmans, alors que même ici dans les pays non musulmans, quand il y a des musulmans qui rentrent dans le Parlement, vous en voyez par exemple qui s'allient avec les koufars pour s'opposer aux musulmans. Hein, et on a vu l'attitude par exemple de la députée Fatima Ouda Pépin, lorsqu'elle s'est alliée avec d'autres koufars québécois soi-disant pour défendre les acquis de la femme québécoise. On veut défendre nos acquis, et que l'islam c'était quelque chose de rétrograde, la charia c'est quelque chose de rétrograde. Bon, il n'y a pas longtemps, on lui a remis une médaille d'honneur, je ne sais pas si c'est la France qui lui a donné une médaille d'honneur ou non. Ouais, vous êtes pas au courant? Elle est rentrée pour aller recevoir sa médaille d'honneur, 10 minutes plus tard elle est descendue, et puis elle est passée sur elle marchait sur un plancher glissant, elle est tombée, elle s'est cassée le bras. Ouais. Donc après avoir reçu sa médaille d'honneur, elle descend en bas, elle se casse le bras. Elle est rentrée, elle est sortie, elle a reçu sa médaille souriante, elle est sortie en ambulance. Mais c'est pour dire, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, non peut-être Allah lui donne ça pour lui faire réfléchir qu'elle ne doit pas se réjouir des choses de cette dunya, et surtout pas d'être en train de recevoir des médailles pour que les koufas soient en train de la féliciter qu'elle est en train de combattre la charia d'Allah, mais plutôt elle devrait se repentir à Allah et commencer à se remettre en question par rapport à sa religion et par rapport à son créateur. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien en fait, en lui faisant subir des choses de ce genre. Le cheikh il dit ensuite, وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. C'est rapporté selon Abu Daoud, par Abu Daoud, selon Abi Umama, radiallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, a dit, quiconque a aimé pour Allah, et a détesté pour Allah, a donné pour Allah, et a gardé quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a complété la foi, il a complété sa foi, faqad istakmala al-iman, il a parfait sa foi. Donc ça c'est le niveau de perfection de la foi, et c'est déclaré authentique par Cheikh Al-Albani dans Sahih Abi Daoud. Donc c'est pour dire l'importance de ce principe-là dans l'islam. Et le Cheikh dit, وَقَدْ نَهَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَنْ نَتَّخِذَ أَعْدَاءَهُ أَوْلِيَاءَ قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Le Cheikh mentionne le verset 57 dans Surat Al-Ma'idah. Le Cheikh dit, Allah nous a interdit de prendre pour allier les ennemis, ses ennemis, et il mentionne le verset 57 dans Al-Ma'idah qui dit, oh, vous qui avez cru, ne prenez pas ceux qui ont pris votre religion comme jeu et amusement, parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous, et les koufars comme alliés. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Donc on n'a pas le droit de s'allier et d'aimer les koufars dans leur mécréance, et dans leur kouf, et dans leur shirk, et dans leur égarement, si on est des croyants. Et celui qui les aime dans leur kouf, dans leur shirk, dans leur mécréance, et qui s'allie avec eux pour leur mécréance, bien entendu, il est un des leurs. Et le Cheikh il dit, وقال ونهانا تعالى عن الركون والاطمئنان الى الذين ظلموا فقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. C'est le verset 113 dans Sourate Hud. Le verset dit, et ne penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra, et vous n'avez pas d'alliés en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Et ne penchez pas vers Wala Tarkanu. En fait, Wala Tarkanu, ça ne veut pas dire seulement ne penchez pas. Tarkanu, ça veut dire ne vous mettez pas comme si sur eux, en vous appuyant sur eux, puis en ayant une confiance, en vous sentant à l'aise avec eux, puis en sérénité. Sérénité vis-à-vis d'eux, que vous êtes en confiance et en paix par rapport à eux, alors que ce sont des injustes, ils font le dhulm, et le dhulm c'est quoi, le plus grand dhulm c'est le shirk, le kufr, donc c'est ça, il ne faut pas les prendre pour alliés. Et le Cheikh al-Imam al-Qurtubi il dit, wa qala al-Qurtubi as-sahih fi ma'na al-aya annaha dalatun ala hujran ahl al-kufr wal-ma'asi min ahl al-bid'i wa ghayrihim. Le Cheikh l'Imam al-Qurtubi il dit que qu'est-ce qui est correct dans l'explication de ce verset-là, c'est que elle prouve qu'il faut s'éloigner et s'écarter, se séparer des gens du kouf et des péchés parmi les gens de bid'a et d'autres et les autres. Donc ça veut dire aussi la démocratie. Un autre point aussi, c'est que si par exemple la majorité des gens sont des gens de bid'a, même si ce sont des gens qui se disent musulmans, mais ils ne sont pas sur la sunna, ils sont sur soit des soufis, soit des shi'as, soit des khawarij, ou soit d'autres voix, ça veut dire que ces gens-là, ces démocrates-là, quand ils s'adressent à eux, ils essaient tous de les ramener vers lui et de leur faire plaisir. Même, ça veut dire qu'il ne doit pas parler contre les bid'as de ces gens-là et démontrer le mensonge qu'ils sont en train de faire. Donc il doit les prendre pour alliés, soi-disant pour arriver à établir son programme et son projet. Donc ça prouve qu'il doit prendre pour allié les ennemis d'Allah ou les gens de Bid'a. Hein? Et ça c'est grave. Et il mentionne les paroles de Cheikh Al-Sa'di Abdurrahman ibn Abdurrahman Al-Sa'di. Il dit, ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم. قال الشيخ مثل الشيخ عبد الرحمن السعدي il dit dans ce verset-là, il y a un avertissement contre le fait de se pencher et de s'allier et d'appartenir à toute personne qui est injuste. Et c'est ça la signification de Abukun. Al-Mail, c'est-à-dire de pencher, ou Al-Indimab, c'est-à-dire tu te rallies à lui dans son injustice, et dans sa position, en étant d'accord avec lui dans son injustice, et d'être satisfait de ce qu'il fait d'injustice. Et justement, il y en a comme ça qui disent, parce que j'écoutais encore une fois Tariq Ramadan, je m'excuse de le mentionner tout le temps, mais c'est pour vous dire que pour répéter, parce que ça m'énerve de le mentionner à chaque fois, mais c'est pour dire que lui il a dit des bêtises dans ses cours, et donc il faut qu'il soit réfuté celui-là. Il dit dans un de ses cours qu'il y a trois conditions soi-disant pour que les musulmans puissent rester dans un pays non musulman. Et les trois conditions qu'il a mentionnées, c'est vrai, c'est des conditions vraies, mais lui il les a présentés d'une façon pour montrer que nous on rentre pas dans ces conditions-là puis qu'on peut rester. Et une des conditions qu'il a mentionnées, c'est que si tu deviens un complice dans l'injustice, alors là t'as pas le droit de rester. Hein? Si tu vas être partenaire ou complice de la société dans l'injustice, alors tu n'as pas le droit de rester. Et il a pas parlé du tout du shirk ou des choses de ce genre, ou du kufr ou des choses de ce genre. Il a juste parlé des aspects de, par exemple, l'injustice par rapport à des trucs d'économie, hein, comme par exemple la mondialisation, ou bien le fait que les grosses compagnies ils font des gros profits, puis les pauvres ils ont rien, des trucs comme ça. Juste sur le plan soi-disant économique, de ne pas être d'accord avec ça, ou bien de ne pas parler contre certains dictateurs, comme il dit, et de se taire devant ça. Donc il parle de ces exemples-là. Puis, il n'a pas parlé par exemple de l'injustice du Parlement, du fait de faire des lois qui sont contraires à la loi d'Allah, et d'être satisfait de ça, et d'opposer la loi d'Allah. Donc, quand on voit ça par exemple, le chef, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit de participer avec eux dans leur injustice. Et lui, c'est quelqu'un qui est d'accord avec la démocratie et qui appelle à la démocratie, qui est une forme d'injustice, qui est une forme de coffre. Donc c'est de ne pas voir la réalité de la société dans laquelle il est, ou de ne pas l'analyser sur un plan islamique. Et c'est pour ça que ça me ferait quand il dit, on va demander, si on veut savoir comment on doit faire pour rester ici en Europe et en France, il faut demander aux savants de l'islam. Et il dit, pas n'importe quel savant, les savants qui connaissent l'Europe et qui ont une expérience européenne. Et bien entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. Pas les savants qui vont nous dire « qala Allah »,« qala Rasulullah » et qui vont nous donner le verdict de l'islam et de la charia. Non, on veut pas ceux-là. On veut les savants soi-disant qui connaissent, qui comprennent la réalité du monde actuel, qui comprennent la réalité de la société européenne, comment il faut tourner en rond et comment il faut comme faire des zigzags pour essayer d'arriver à soi-disant s'infiltrer dans cette société. Donc le cheikh il termine ce point-là en disant « قلت وهذا بعينه ما يحدث في المجالس النيابية » in ajilan ou ajilan. Il dit ça, cet aspect-là, le fait de prendre pour allier les koufars et d'être d'accord avec ce qu'ils font des garments, c'est ce qui se passe dans les assemblées parlementaires. Soit tôt ou tard. Hein, si ça arrive pas aujourd'hui, ben, après ça va arriver. Et donc, ceux qui disent par exemple que on veut, par exemple, arriver à créer une atmosphère ou un climat de dialogue et d'ouverture pour soi-disant être capable de dialoguer avec les koufars, dans la société des koufars, ces gens-là, ils s'imaginent que c'est de cette façon-là, c'est la seule manière, soi-disant, de régler les problèmes et la situation qui arrive. Par exemple, quand il y a des conflits entre les musulmans et les non-musulmans, alors que non, alors que ça n'a rien à voir en réalité. On peut régler ces conflits-là tout en restant sur nos positions et restant ferme sur notre religion, hein, en faisant comprendre aux koufars que on n'a pas de, on peut pas faire de compromis avec eux dans, dans notre foi et dans notre religion. Et de s'organiser entre nous, les musulmans, qui voulons suivre le Coran et la Sunna et suivre l'islam tel qu'elle est, selon la compréhension des salafs salih et tout, de s'organiser entre nous et de faire nos affaires entre nous pour qu'on n'ait pas besoin justement de dépendre des koufars pour quoi que ce soit de ce qui a rapport avec notre foi et notre religion. Le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas encore arrivé au niveau où on est capable de comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça demande de notre part. Donc, si on veut, disons, eux, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, c'est que pour arriver à se former comme, soi-disant, comme une communauté, il faut, soi-disant, ouvrir le dialogue. Mais les choses sur lesquelles ils veulent dialoguer, c'est des choses qui sont claires et déterminées et qu'on ne peut pas discuter, parce que c'est des choses qui viennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elles ne sont pas ouvertes au pick and choose, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est des choses claires qu'on doit suivre, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Mais, par contre, c'est entre nous, les musulmans, de s'organiser entre nous pour essayer de comprendre justement qu'on doit revenir au Coran et à la Sunna lorsqu'on a des divergences, et retourner à la compréhension des salaf salih, premièrement pour s'unir sur la vérité, puis une fois qu'on sera unis sur cette vérité-là, puis qu'on aura compris cette réalité-là, inshallah, par la suite on pourra passer aux autres aspects de la dunya qui nous dérangent, pour essayer de les régler, soit sur le plan économique ou autre, hein, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de passer, de mettre la charrue en avant des bœufs, comme on dit, hein, ça, ça ne va pas nous amener nulle part. On veut mettre la charrue devant les bœufs. Hein, ça ne marche pas, là. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. À moins que les bœufs reculent. Mais là, on va dans le mauvais sens. Ça, c'est pas bon. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.